Notre existence prend forme dans les gestes de la vie quotidienne. Cela nous échappe et le sens de la vie, parfois, déséquilibre le reste qui paraissait sûr de ne pas tomber. La chute paraît toujours plus longue quand c'est nous qui la vivons. En ce terrible mois de marche, faire attention dans les escaliers, ça marche. Les lundis douteux, chaque lundi depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Laurigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux, apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Bonsoir, en manchette ce soir, Sasquatch, immigration et feu de livre. Et pour vous rocker le dash dans le deck ce soir, Marie-Pierre Simard, Simon Portalance, Florence Payette, Jonathan Simon, Mustapha Chamley, Mathieu Boudreau, ainsi que nos invités de Dirty Habits en direct du brouhaha, c'est 100% de ton apport quotidien de 70%. Merci tout le monde d'être avec nous à ce nouveau 70%. Bruno, t'as l'air perplexe. Ouais, ben j'ai, mon micro il est pogné dans la patte de chaise. Oh, la patte de chaise, la glorieuse. On va travailler avec ça. Merci d'être avec nous pour votre rendez-vous hebdomadaire. En fait, on a un sacré gros 70% qui s'en vient. On a Dirty Habits ici qui essaie de s'installer confortablement. Bruno qui tire sur son fil de micro. Ça va être fabuleux. En fait, la chose principale qui se passe ce soir, c'est qu'on a comme une variante politique de notre aventure habituelle. On va écouter le film de God Save Justin Trudeau ce soir et j'ai amené le livre. Il en parlait dedans. Et là, j'avais sa face en plein... En tout cas, en fait, Bruno, je voulais commencer l'aventure de ce soir en parlant de quelque chose qui m'a touché ces dernières semaines. J'ai développé un gros problème de consommation. J'avais un très sévère problème de Zelda. Et je l'ai un petit peu réglé hier parce que j'ai réussi finalement à battre Ganon. Et donc, on dirait que le jeu, l'intérêt... Le jeu est réglé. Là. Ben, genre, on dirait que mon problème, à cette heure, ça, j'ai plus juste envie de faire ça tout le temps. Et ça me fait beaucoup de bien. Il est excellent, d'ailleurs, le nouveau Zelda. C'est direct dans... Êtes-vous des amateurs de jeux vidéo? Pas tout. OK. Super pas, hein? Ça, ça... pas de TV, fait que ça part bien mal. OK, là. Bon. Jouer au son, c'est pas bien bon. Puis toi, Bruno, t'as-tu essayé le nouveau Zelda? Non. Ben, je vais pouvoir te le prêter, je n'ai plus besoin. J'ai pas la console qui va avec. Bon, ben, on arrête d'en parler d'abord. Mais sinon, ben, on peut applaudir nos invités, s'il vous plaît, de Dirty Habits. Oui, ben oui, ben oui. Fait que là, William, peux-tu me présenter le crew au complet? Oui, je te présente le crew au complet. Je te présente à ma... gauche. Côté dimanche. Sly Tellier. Bassiste, beau bonhomme et quand même all-around gentleman. Oui, j'ai entendu dire qu'il n'était pas disponible, par contre. Disponible, tu veux dire sexuellement? Ouais, genre. Je suis désolé de te l'apprendre, man. Ouais, non, c'est ça. De moins en moins. De moins en moins. Tu es en train de t'investir dans un dossier en particulier. Okay. À ma droite, on rencontre le sympathique et aussi non moindre beau bonhomme qui possède la langue de Molière comme il ne se peut pas. Comment ça va, Mars? Comment ça va? On voit bien qu'il a fait beaucoup, il avait beaucoup d'études en langue française. Et lui, c'est le guitariste. C'est chanteur. Le guitariste, chanteur, bête de scène, poteux. Donc, vous, vous êtes comme un band de métal, on va le dire. On va sortir le M-Word. Non, c'est quoi votre affaire? Arrête. On est un band de rock and roll. OK, de pur, là. Comme ZZ Top, genre. OK, mettons. On parle-tu de Zedda? Mais non, mais je sais pas. Je n'ai jamais entendu de Dirty Habits. Ça. Non! Ben non, ben à part votre album, là. Qu'attendez-vous? Ben, j'ai entendu si, l'album une fois. Qu'attendez-vous? Ben non, mais... D'abord, parle-moi de comment tu classifies ta musique. Je vais laisser Slayer répondre à ça. Il est bon là-dedans, lui. Écoutez, si vous aimez Aerosmith, Soundgarden, c'est à peu près dans ces cordes-là, on est du hard rock. C'est vraiment la vibe, là, je te dirais, 90 qu'on essaie de reproduire. OK. Puis quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ça dure depuis combien de temps? Ben, moi puis Will, on se connaît depuis peut-être 30 ans. OK. Oui, on s'est rencontrés ici, puis on a été un petit bout à Vancouver ensemble pendant quelques années. On veut des détails. Puis, c'est dans notre prochain livre, ça s'en vient. Fait que vous avez été coloc à Vancouver. Entre autres, oui. Ouais, je me rappelle que Slayer, moi, je suis parti quand j'avais quoi, 22, 23 ans? Moi, j'en avais 15. À peu près. Ouais, je chier, man. Pourquoi? Parce que tu le bats de 7 ans, genre? C'est... Au moins! C'est une affaire d'âge. Et de 7 pouces. Ah, ben là, t'as juste. Ouais, je comprends. OK. Non, mais moi, je suis parti à Vancouver. On s'est rendu jusqu'à Los Angeles. Moi et le crew, comme tu l'appelles si bien. Et puis, on n'a pas fait de business à Los Angeles. On est revenu à Vancouver. Puis, Sly est apparu avec la band dans laquelle il jouait dans le temps. Puis, il est venu crasher chez nous à Burnaby. Burnaby of all places. Après ça, c'est la ville de naissance de Joe Sakic. No way! Ah oui. Tabarnak, je viens d'apprendre qu'il est dans Zelda, lui. Et puis, d'ailleurs, je suis flabbergasté! moi donc. Et donc, le projet de faire de la musique, ça fait longtemps que vous le travaillez. Puis là, vous êtes de retour à Montréal, puis vous avez rencontré Mars. Effectivement. Ouais. Mars est un grand fan de la ville de Sudbury. Oh. Je sais pas si t'es jamais allé à Sudbury. Ben oui, certain. Ça ressemble beaucoup à Rouyn-Noranda, Sudbury. Apparemment, ouais. Ça me tente pas d'y aller. Mais... Les deux. Les deux, ça vaut la peine. T'as des caps de roche un peu spéciaux. Ah ouais. Puis vu qu'il y a beaucoup de mines, ben là, ils ont comme des surplus d'argent qui investissent dans un petit peu des affaires. Ça qui fait du bien. Ça, des pistes de skidoo, genre des pistes de skidoo au centre-ville. Là. De là vient la fascination de Mars avec les mineurs. Ah, ben oui. Stand inside. OK, ben en tout cas, should I translate? Probably not. After the show. OK. Donc, vous allez nous faire des chansons live tantôt. Ouais, ouais. Oui, vas-y. Il y a une affaire que je demande à tout le monde. Jouez-vous à Magic? Fuck all. Quand que vous êtes à une place où il y a un barbecue, est-ce que c'est vous qui cuisinez ou vous vous tenez autour ou vous vous en foutez, genre? Moi, un peu des trois. Charles d'opener. Moi, je suis un consommateur, mon gars. Ah ouais, hein? Fait que je me suis arrangé dans ma vie. J'ai fait une profonde remise en question à un certain âge de ma vie. C'est spécial, ça. J'étais pas heureux, tu sais. Puis je me suis dit, moi, j'ai joué de la guitare. Puis le reste du monde feront le reste. Puis moi, je m'occupe de jouer de la guitare. Ah, oh, OK. Fait que, t'as fait ça avec quel âge? Ben, c'est 7 ans. Ça, c'était avant le barbecue, pas mal. OK? Je comprends pas pourquoi ma question, c'est barbecue. Vous avez rendu que ça parle de guitare, mais... Ben, ça veut dire qu'il joue de la guitare et que le monde y amène des burgers, je pense. C'est ça! Lui, il fait attention à ce que je raconte. Non, mais moi, les autres feront le reste, pas mal. Ben, moi, je voyais la société, là, pas... Ouais. Ben, j'avoue que le barbecue... Ouais, mais c'est le une barbecue, métaphore, c'est une métaphore de la société. C'est vrai, pareil. Ouais. Merci. Je suis un divertisseur. Poète. Un entertainer, comme c'est on vrai. Dit. C'est-tu toi qui compose? Tu dis quoi? Ben, compose les textes, la musique? En général, à ce moment-ci. Mais j'ai à ma gauche. C'est vraiment n'importe quoi, on arrangera au montage. À bas bord. Et il est très talentueux comme parolier aussi. Très talentueux comme musicien et très talentueux comme compositeur. Il y a Mars aussi qui a plusieurs chansons. Il y a quand même Mars, avant de nous rencontrer, il a quand même publié, il a quand même mis sur le marché 3 albums indépendants à son nom, à lui. Donc, il y a quand même une trentaine de tunes qui traînent sur Bandcamp, entre autres. Fait que là, vous ramenez ça à votre ouais, son, genre. Puis là, on va ramener ça. Faut dire que le premier album sur les 11, il y en a-tu 11? Ouais, à gauche, 11. Sur les 11 tunes, il y en a 10 que c'est moi qui ai écrite. OK. Mars en a composé une, puis une qui est en collaboration avec moi, puis un autre gars. OK, puis vous êtes qui est en prison présentement. On le salue. Et j'entends tu dire, il y a un drummer aussi qui n'est pas là, Daniel. Oui, Danny Peak. Ben, on le sent. Un ami de ton ami. Ben oui, le Peak, Vincent Peak. Oui, mon oui, bon chum Vincent. Le ben bon oui. frère et, Vincent Peak. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a la sœur à Stéphane Mallette qui est peut-être en train de nous écouter en rémission de quelque chose de grave. Fait qu'on lui souhaite un prompt rétablissement. Bon, et ça nous amène vers le 70%, les gars. Vous avez des micros, vous êtes nos invités. Fait que parlez quand ça vous tente, à la hauteur de vos opinions. Mais faites sûr que c'est drôle, parce que sinon on veut rien savoir. Okay. Non, c'est pas vrai. Tu peux dire ce que tu veux. Peut-être avant d'aller plus loin, c'est vrai, pendant que j'y pense, vous êtes les Dirty Habits, on va avoir un indicatif. Nous sommes les Dirty Habits, nous écoutons 70% et blablabla. Bla, bla, t'es bon là-dedans, toi, ouais. Avec la grosse voix de... Ouais. On fait ça live, nous autres. Là. Hey, vous écoutez douteux.org, nous sommes les Dirty Habits. Stick around. Parfait, merci. Ben oui, hey. Et là-dessus, ben, mon cher technicien cousin, on part avec le premier chroniqueur. C'est les nouvelles! Et maintenant, les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Hein, on s'est fait surprendre. Ah, on vient de l'avoir. On s'est fait surprendre par le générique à Bruno. Let's go, Bruno. Certainement, une femme de Tensed en Idaho conduisait sur l'autoroute alors qu'elle a aperçu un Sasquatch. Surprise, la quinquagénaire a regardé dans son rétroviseur pour observer la figure poilue mesurant environ 2,25 m lorsqu'elle a ramené son attention à la route devant. Elle a aperçu un chevreuil qui sautait devant son véhicule. Après avoir frappé l'animal, la femme a continué de conduire son véhicule accidenté afin de ramasser son mari au travail. Le bureau du shérif affirme que la scène de l'accident n'a pas révélé de la présence du Sasquatch. Pardon. Non, mais on trouvait bien de l'acide, par exemple. Fait que c'est-tu une preuve de quelque chose, ça? C'est une preuve que cette madame-là... En tout cas, il y a un chevreuil qui s'est fait rentrer dedans, je pense. Ouais, ça, il est arrivé ça. Ça, c'est vérifiable. Ça, oui. Il y avait des Sasquatch. C'est pas un gars qui... Ma gueule, continue. En voyage au Vietnam, Wang Kaiyui a acheté 2 chiens à un vendeur et les a ramenés chez lui en Chine. Malgré leur apparence étrange, l'homme n'aurait jamais suspecté que ces chiens étaient autre chose que des chiens. Apparemment parce qu'il n'avait jamais vu d'ours dans sa vie. Je pensais que c'est les vendeurs qui avaient l'air de... Il y avait une drôle d'apparence. Non, OK. Non. Parce que c'était des ours. Oui, je pense que oui. Après plusieurs mois où les animaux démontraient un appétit particulier, l'homme a continué à garder les animaux, croyant qu'il s'agissait simplement de chiens un peu bizarres. Ce n'est que lorsqu'il a vu un dépliant décrivant des animaux en voie de disparition... Il a allumé. C'était un ours! Un ours en voie de disparition. Mais ça, je vous l'avais déjà dit. Là, il y en a deux, tu sais. L'homme a appelé les autorités afin que les animaux soient relocalisés ailleurs que dans sa maison. Dans sa maison. Mais là, le gars, il a acheté 2 chiens. Non, il a pas acheté 2 chiens, Toby. Il a trouvé 2 chiens. Il les a achetés, okay. Mais c'était pas des chiens. Oui, non, c'est ça. C'est le début, là. Il y a un vendeur pas de chiens. Ben, le gars, il est chinois, il était au Vietnam. Peut-être que le Vietnamien, il disait c'est des ours, puis lui, il faisait comme c'est des chiens. Puis... Ils se sont juste mal compris. Barrière des langues, tu sais. Ah, merci beaucoup, Bruno. T'en as-tu une autre? Ah, ben oui, je peux vous en parler. Vraiment, vraiment, vraiment très, très drôle, celle-là. Je vais m'en rappeler longtemps. Ce sont des faits vérifiés, là. On parle ce pas, sont là. Des faits vérifiés. Ce sont des vraies histoires. Oui, oui, non, j'invente. De nouvelles, de vraies nouvelles. S'il fallait que j'invente 6 nouvelles de même par semaine, pour vrai, là. Ouais. On vient d'avoir d'ailleurs la preuve de l'existence du Sasquatch. Oui. Effectivement. Elle l'a vu. Ellen Bearstein est une grande supporter de Donald Trump. La femme a voté pour le président parce qu'elle était d'accord avec sa politique d'immigration. Maintenant, son mari, qui est entré dans le pays illégalement en 1998, est en prison et devrait être déporté ce vendredi. La femme affirme qu'elle croyait que seulement les criminels seraient déportés sous l'administration Trump, malgré le fait qu'il a dit que tous les immigrants illégaux seraient déportés sous son administration. Elle devra maintenant s'occuper de ses 4 filles toute seule. Et pas conne. Un immigrant illégal, n'est-ce pas quelqu'un qui contrevient à la loi? C'est quand même pas drôle, mais c'est quand même vrai, là, comme débat, là. Ouais. Je trouve que c'est une trail qui va nous aider. Niaiser, man! Merci beaucoup, Bruno. On non, va mais ils ont la loi, c'est la loi, Tommy. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, hein? Ah oui. La loi, certain. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ben, je pense qu'on est prêt tout de suite pour le premier chroniqueur. Allô, Tebroua! Allô, Tommy! Allô? Allô, Bruno? Allô? Allô? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-Charles Rondeau, GC pour les intimes. Avant, je faisais le travail de client satisfait dans les infopubs, mais maintenant, j'écris des fanfictions de téléromans et de téléséries connues. Puis, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la suite de 30 vies de Fabienne Larouche, qui ne joue plus depuis l'année passée, et je trouve ça bien triste. D'ailleurs, j'ai fait de la figuration dans Virginie à l'époque. Vous savez, à un moment donné, il y a une scène où J.C. Lauzon parle à un étudiant dans une rangée de casiers. Ben moi, je joue un gars qui est enfermé dans un des casiers. Je joue dans l'épisode de l'épisode 123 à l'épisode 466. Ils sont venus me sortir après. Alors, en gros, l'histoire, vous savez, dans 30 vies, c'est tout le temps un prof qui s'occupe des problèmes de ses étudiants à chaque semaine. Mon prof vedette s'appelle Wilfred Lamotte, un professeur d'économie familiale de 58 ans. Alors, je vais vous résumer les épisodes. Ça va être en deux parties. Je vais revenir vous parler des autres épisodes par la suite. Alors, épisode 1. Wilfred montre à ses étudiants comment fabriquer des oreillers. Il rencontre Joël Jasmin Roy-Legendre pour lui dire que par rapport aux autres élèves, il démontre très peu d'aptitude en couture. Est-ce que cela cache quelque chose? Or, Joël Jasmin déclare devant toute sa classe qu'il est hétérosexuel. Il n'en faut pas plus pour que Wilfred appelle la DPJ. Épisode 2. Joël Jasmin se fait tabasser par la gang de rue homosexuelle de l'école. Il n'en faut pas plus pour que ses deux papas se posent de sérieuses questions. Joël Jasmin doit révéler à ses parents qu'il est hétérosexuel. Ses parents le foutent à la porte. Épisode 3. La DPJ veut intervenir dans le cas du petit Joël Jasmin, mais le cas dépasse largement leurs compétences. Par contre, Wilfred va sonner chez les parents de Joël Jasmin pour les convaincre d'accepter leur fils tel qu'il est. C'est ce qui conclut la première intrigue. Épisode 4. Wilfred apprend aux jeunes comment organiser un repas de Noël pour 20 personnes avec seulement 6,75. Lorsque Amélie Bro-Martineau apprend que tous les parents de ses amis sont divorcés, elle tente de faire divorcer ses parents qui, malheureusement, s'aiment d'un amour tellement pur. Un peu comme Marie-Ève Janvier puis Jean-François Bro sur l'ecstasy. Lorsque Wilfred apprend que les parents d'Amélie ne sont pas divorcés, il contacte la DPJ. Épisode 5. La DPJ tente d'expliquer aux parents d'Amélie pourquoi ils créent du tort à leur enfant en restant ensemble, mais rien à faire, ils n'auront pas le choix, ils devront la placer en famille d'accueil. Quand Amélie se rend compte que le souper de Noël de la famille d'accueil n'est constitué que de 3 biscuits soda, un gobelet de ketchup rempli de Cheese Whiz et d'une canette de Pepsi Cristal alors que ça existe... Ben, ils en ont fait du nouveau, mais ça n'existait plus avant. Amélie fugue et se réfugie chez Wilfred. Épisode 6. Alors que l'escouade tactique encercle la maison de Wilfred croyant à un kidnapping, les amis d'Amélie tentent le tout afin de faire divorcer ses parents pendant que Super Dan Bigra, travailleur de rue, sauve Wilfred d'une mort certaine. Épisode 7. Wilfred apprend aux jeunes ce qui arrive lorsqu'on boit les produits qu'il y a en dessous de l'évier. Le jeune Mario-Jean Michel Anctil est vraiment valeureux depuis l'accident qui l'a laissé paralysé des deux jambes et qui a tué ses parents. Depuis, il reste dans un squat avec Super Dan Bigra. Quand Wilfred fouille dans l'agenda du jeune Mario-Jean, il découvre que vendredi prochain, il a prévu d'assassiner Super Dan Bigra. Wilfred consulte le directeur adjoint pour savoir s'il devrait contacter la DPJ, mais ce dernier considère que le cas de Mario-Jean est beaucoup moins grave que celui des deux élèves précédents. Épisode 8, et on va s'arrêter là-dessus. Wilfred appelle la DPJ concernant le complot de Mario-Jean, mais celle-ci en a vraiment rien à chier. Il hésite ensuite entre appeler Super Éric Lapointe, Super Boom Desjardins ou Super Martin Deschamps avec des membres robots. Alors que Mario-Jean a ligoté Dan Bigra, celui-ci explique pourquoi il veut le tuer. On voit alors des flashbacks des dernières semaines où Mario-Jean a surpris Dan à fermer les fenêtres parce que le bruit des enfants lui montait à la tête, à avoir peur d'avoir froid après avoir donné sa chemise et à compter les jours qui séparent les fois où il a fait l'amour. Merci beaucoup et je vais vous revenir pour une suite puis peut-être vous expliquer aussi pourquoi un jour j'ai vendu mon arme à Fabienne Larouche. Ouais. Merci beaucoup. Merci JC. JC, un nouveau. Êtes-vous des fans de téléroman, vous autres? J'ai toujours pas de TV. Fait que, Ça va mal, hein? Mais peut-être regarde, participer aux discussions, d'en apprendre, tu sais. Je regarde, mais j'écoute pas. Ah, ouais, ouais. Hein? Ouais. OK, gars. Ben, je loue des livres audio, moi, à bibliothèque, beaucoup. Ouais. J'écoute ça avec passion. Hein. C'est quoi le dernier que tu as écouté? Ah, c'est en russe. C'est l'intégrale de Dostoïevski. En russe? Dans mon auto le matin, ouais. En version originale, tu veux dire? Bien sûr, bien sûr. C'est ça? Ouais, pour que ce soit plus... Vite track. Ouais. Tu peux-tu me parler en russe un petit peu? Non, t'es bon pour l'entendre. Nazdrobie. Ça me va, ça me va. Ben moi, merci les gars, oui. Moi j'ai essayé le dernier album de... Album? Oui, le dernier album de Anthony Robbins. Franchement... Ouais, c'est révolutionnaire. C'est un révolutionnaire. Ah, le grand qui est motivé, là. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, il est très motivé, Tony Robbins. Il m'a motivé à acheter son vidéo. Quand même, s'il fait ça un million de fois, le gars, il fait du cash en tabarnak, man. Je pense que c'est, ouais, c'est ça l'aspect pyramidal de cette affaire-là qui fait peur un peu. Soft the guy, mon gars. Ouais, ben, tu sais. C'est pas en version originale, par exemple. Non, hein. Non, en version bulgare. Allez, on est prêts pour le prochain. Salut Marie-Pierre! Allô, ça va? Ben oui! Oui, good! T'as eu du géant, hein? C'est ouais, capoté. C'est le fun, hein? Ben oui! C'est au bout! Y a-tu des choses que j'ai pas compris? On va s'en reparler. On s'en parle plus tard. Non, ok, je suis c'est contente, bon. Tout va bien. Aujourd'hui, je suis venue vous dire, premièrement, que je suis une fille passionnée, hein? Comme vous en doutez sûrement. Je me passionne pour plusieurs petites choses dans la vie, tu sais, comme le vinaigre ou pas l'oud. J'ai plusieurs passions comme ça, mais ma plus grande passion dans la vie, c'est la top. Ouais. Ouais, parce que moi, je fume pas des cigarettes, je fume des tops, c'est plus tog, tu comprends? Et ça, habituellement, ça crée un fret quand je dis que j'ai cette passion-là dans la vie. Mais bon, ça me dérange pas parce que moi, j'aime tellement ça fumer. Être une princesse de Disney, mon nom serait Cendrier au botch de verre. That's it, hein? Moi, mon but dans la vie, c'est de sentir ce que Pierre Falardeau sentait en 1995. Tu comprends? C'est quoi, hein, puer la mort, d'avoir les dents jaunes, quelques petits traitements de chimiothérapie quand t'as une vraie passion dans la vie? Mais bon... Pour vivre ton rêve de poumon noir, il faut faire quelques concessions. Je vous ai parlé la dernière fois de mon avortement. Oui. C'est très imagé, hein? C'est pas parce que je veux pas d'enfant dans la vie, mais bon, j'aime tellement ça fumer dans mon char, il faut faire des choix dans la vie. Alors non, mais honnêtement, j'ai vraiment un gros problème de nicotine et je sais plus comment arrêter, mais surtout, je subis beaucoup d'intimidation dans la rue, surtout, quand je fume des tops. Des fois, il y a des gens qui me crient des affaires comme « Des bandes trop belles pour fumer! » Ah, c'est de la, la grosse, grosse intimidation. Ben, c'est sûr. En plus, je trouve ça chien parce que je me dis, Chris, c'est quoi? C'est juste le monde laid, genre, qui a le droit de fumer. En tout cas, c'est une autre parenthèse. On rentrera pas là-dedans. Je suis vraiment tannée du lobby de la top, OK? Alors, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi on devrait inculquer la passion de fumer pour tous, et ce, dès la naissance. Ouais. Premièrement, quand tu fumes, tu pues de la gueule. Tu sens le fond de botch. On pourrait voir ça comme un inconvénient, mais en même temps, ça tient éloigné toutes tes mauvaises fréquentations. Si tu supportes mon odeur de marde, t'es une bonne chumette. Puis en plus, si tu te forces à fumer plus, on peut même te confondre ton odeur avec celle d'un itinérant et tu peux recevoir des dons. Alors, moi, je pense que c'est déjà là, on commence avec un bon avantage. Des dons. Ouais, des dons. Ouais. Ensuite, quand tu fumes, tes dents, ils deviennent jaunes, OK? Ce qui est super pratique quand t'aimes ça, les hot dogs all dress, OK? Parce que si t'as oublié de te brosser les dents, t'as pas à être stressé d'avoir des taches de moutarde entre les dents. Alors, pour les amateurs de moutarde, je vous conseille de commencer à fumer tout de suite. Ensuite de ça, fumer coupe l'appétit, hein? C'est bien connu. Je pense que c'est la meilleure solution pour contrer l'obésité. Fuck les régimes à base de rien, qui fait que tu t'évanouis. La nicotine, c'est bien plus nourrissant. Puis en plus, t'as pas mal moins de chances de reprendre le poids que t'as perdu, hein, parce que tu risques de jamais pouvoir arrêter de fumer. Yeah! C'est-tu merveilleux? En plus, la cigarette, ça fait comme accélérer ton rythme cardiaque, ce qui est comme le sport. Pareil. OK. Et c'est une combinaison gagnante pour un corps svelte et en santé. Ensuite, paraît que fumer donne le cancer. C'est une très bonne chose pour ceux qui sont en manque d'attention. Quoi de mieux qu'une bonne toux profonde pour avoir l'attention sur vous? Vous serez enfin le centre d'attention. Et puis même ceux qui parlent comme le mononcle dans South Park. Ouais, là. Ouais, ouais. Hey, c'est un trou dans la gorge, c'est le best. Trou dans la gorge, c'est ça, tout le monde s'en veut pour te regarder. Ouais, c'est ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas, un autre point positif, en inhalant plein de cochonneries toxiques dans la fumée de cigarette, tu prépares ton corps à la pollution des villes. Comme un vaccin. Un vaccin à la pollution. Hein? C'est fort. Pour conclure, comme on ne peut plus s'allumer une top nulle part, moi, je vous conseille fortement de fumer le plus possible à l'intérieur de chez vous. Et si vraiment ça vous écœure, ben vous pouvez toujours vous trouver un coloc qui fume, tu sais, qui allume ses tops avec ses botches, comme ça, pour qu'il y ait le plus de fumée possible. Parce que je pense, OK, que la boucade de top est la solution pour le vieillissement de la peau. OK, la preuve, c'est la technique la plus utilisée pour conserver la viande. Hein, on dit souvent que c'est mal de considérer la femme comme un morceau de viande, mais dans ce contexte-là, je pense que c'est pas mal winner. Alors sur ce, je vous dis fumez, les amis, il est jamais trop tard pour commencer. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Un conseil à suivre. D'habitude, okay, ta question tantôt, c'était est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Oui. Non. Est-ce que vous écoutez les téléromans? Non. Est-ce que vous fumez? En tabarnak. Ben oui, vous êtes des musiciens de plus de 40 ans. C'est... Il y a un très bon pourcentage qui fume, mais par choix. Hein? On insiste. Eh, non, ouais, on passe au prochain. Ah, c'est Florence. Salut, Florence. Allô. Allô. J'ai voulu me faire une surprise à moi-même. J'ai changé de jingle, puis je m'en rappelais plus. Donc, t'es notre VJ ce soir, en plus. Oui, en plus. Tu nous as préparé quoi? Je vous ai préparé des affaires. Ah ouais? Plein d'affaires. C'est bon, OK. Ça bouge, il y a du son, c'est tout le kit. Souvent, c'est associé, là? Ben, souvent, mais pas nécessairement. C'est bon, OK. Aujourd'hui, je vous parle du film Kong. De ce que j'ai appris du film Kong, ou si vous voulez, la revanche d'RMB. Donc, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Dans le présent de 1973, le roi Kong s'aperçoit que des idiots en hélicoptère se sont introduits sur son île pour foutre la marde. Puis Kong, ben, il aime pas ça la marde, surtout quand elle arrive chez lui, puis il aime pas non plus les hélicoptères, puis je peux pas y en vouloir pour ça. Fait que on a notre équipe, John Goodman en vieux monsieur qui cache clairement des secrets, Tom Hiddleston en tant que ranger mec beau gosse, Brie Larson en tant que photographe mec belle fille, ça va de pair, Samuel L. Motherfucking Jackson en tant que lui-même, John C. Reilly en tant que Père Noël fou et Toby Cabell en tant que Chapman, c'est ça. C'est un drôle de squad, me semble. C'est comme un all-star squad, mais genre avec très peu de texte et très peu de substance. Ouais, ouais. Oh, OK. C'est pas mal ça. Alors, voici ce que j'ai appris de ce film. Les députés qui font semblant d'être occupés pour ne pas avoir à recevoir des vieux fous qui pensent découvrir des îles secrètes finissent toujours par leur donner de l'argent lorsqu'ils sont pressés. À quoi te servirait d'engager un ranger si ton ranger a pas au moins 18 de charisme? D'ailleurs, pour devenir ranger, il faut savoir casser au pool puis péter des queues de billard sur des faces de personnes fâchées dans les bars clandestins au Vietnam. T'en parles, j'y suis. J'ai déjà vécu ça. T'as déjà été ranger. D'ailleurs, une des choses qu'il faut le moins être dans un film, à part un hélicoptère, c'est probablement une baguette de pool. Oui. C'est sûr. Dans un bar clandestin, c'est dangereux. Écoute, tu joues avec ta vie de bois. C'est ça. Là, tu fumes 8 paquets de cigarettes, puis tu t'allumes avec les 8 prochains. Tu sais, tout le temps, là, 8 à la fois. En tout cas, continue. Pour passer au travers d'une tempête immense qui aurait caché une île encore inexplorée, il faut réciter une lettre à un enfant. C'est « Il vaut mieux arriver sur une île inconnue en blastant les meilleurs succès de 1973 que d'arriver incognito, parce que tout le monde sait que la tonne incognito n'existait pas en 1973. Les grands singes aiment décorer leur île paradisiaque comme des ados incompris décorent leur chambre, c'est-à-dire avec beaucoup de hargne et des traces de mains sur des murs. » Pour mieux comprendre une île de manière scientifiquement scientifique, il faut crisser des bombes dessus. Les chances de survie d'hélicoptères sont proportionnelles à l'investissement qu'avaient les scénaristes à créer des personnages tridimensionnels. Ça disparaît dans les 5 premières minutes. L'unique point faible des Kraken est un grand singe adepte de sashimi. Qu'on se tienne pour dit. Pour passer le temps sur une île où tout peut potentiellement te tuer, il vaut mieux passer ses nerfs en tirant du gun sur ce que tu assumes être des petits ptérodactyles au loin. Les ptérodactyles se nourrissent exclusivement de scientifiques à moustache qui ne tirent pas du gun. Ils sont rusés, hein? Ils sont faciles, tu catches vite. Kong a compris l'entraînement et la vengeance, il ne lui reste que l'enlèvement à étudier. Tel des ados incompris, le grand singe aime réfléchir à être fâché et méditer sur leur rage sur le top de chute d'eau. Être parent te rend vulnérable à la mort seulement si tu connais le nom de ton enfant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les grands singes attaquent seulement lorsqu'ils veulent venger la mort de leurs parents. Être un ranger de la famille des mecs beaux gosses te donne la capacité d'avoir une compétence en swingage de katana sans malus, malgré le fait que tu n'aies jamais touché à ça. C'est écrit en petit sa feuille de perso, là, juste pour faire chier le DM. Les Samuel L. Motherfucking Jackson attaquent seulement lorsqu'ils s'ennuient de l'auteur du napalm au petit matin. Kong est peut-être le seul de son espèce, mais il n'est pas le dernier des gros monstres qui aiment se tapocher. Entre eux autres, à suivre dans d'autres sequels, crossover, remake, prequel, McFlurry, nous disent les bros chez Warner, c'est un film. C'est ma conclusion. Merci beaucoup, Florence. Ouais. Je sais pas quel genre de goût que ça donne, mais peut-être pas de le voir. Ça apprécie. Comment ça se passe? Je m'attendais aux Power Rangers. En oui, fait, hein, ça. Ouais. Moi, je pense que Kong aurait dû prendre l'exemple sur les bonobos. Tantôt, ça aurait peut-être fait un meilleur film. Je l'ai pas vu, mais j'assume. Oui, j'avoue, on a parlé de singes quand même souvent. Trouver des hélicoptères. Ouais, il y a eu Sasquatch. C'est vrai, il y a eu Sasquatch aussi. La preuve du Sasquatch. OK, next, on passe au prochain. I am an Islamist. I am the Antichrist. Most squares and people's watching list. But my. Come on. J'aime ce bout là. Ah oui, la loi charia des États-Unis là, c'est exactement mon rêve d'enfance. Il faut que je dise, il y a deux Tommy à l'écran en ce moment là. C'est vraiment hot. Ça ressemble pas mal. Ok, c'est tout ce que je voulais dire. Une partie de mon enfance est morte, j'ai remarqué. Je sais pas si quelqu'un se souvient de la télésérie de Les Aventures de Sinbad. Oui. De ça. Ouais. Par applaudissement, qui s'en rappelle? Ok, je m'en calisse. Moi, je suis tombé en plein milieu de la série, puis j'avais jamais vu le début, mais je trouvais ça, ah, c'est bien hot, c'est comme Hercule, mais avec moins de budget, puis moins bon, puis moins, comme moins tout. Mais c'est Sinbad, fait que c'est cool, parce que c'est un peu plus comme moi. Puis à un moment donné, je suis tombé sur les premiers épisodes, parce qu'ils sont reculés dans le temps, parce qu'ils font ça, une fois de temps en temps. Puis j'ai appris qu'il y a un personnage qui s'appelle Mustapha. Ben, il doit en avoir souvent. Non, il y en avait un seul. Ok. C'était le seul. C'est bon. Puis j'ai trippé ma vie solide. J'ai comme, il était fucking où, lui? Puis j'ai appris qu'il est mort dans l'épisode 2. Ah. Dans quelles circonstances? Pendu, là. Ah. C'était ça. Il était ami avec Sinbad, ils l'ont pendu. Ouais. Il a fait, non! En tout cas. Mais l'autre affaire que j'ai remarqué, par contre, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé de vérifier tout le casse parce que je me disais, il y a quelque chose qui louche dans tout ce qui se passe. Puis je me demandais c'était quoi. Puis c'était clairement pas juste la mort de Mustapha. Mais j'ai regardé la liste IMDb. Puis il y a un nom arabe dans une série qui se passe à Bagdad. C'est le seul nom arabe dans le cast. Le reste, c'est juste du monde qui vient aucunement de la région. Y avait-tu vraiment un manque d'arabes au Canada quand ils l'ont fait? Je sais pas. Ok. Moi, depuis que Gerald Butler a fait un dieu égyptien, je pense. Ouais, que... rendu là, on abandonne tout espoir. Sir Gerald Butler, pardon, l'acteur shakespearien. Ouais, okay. Mais l'autre affaire, là, ce que j'ai marqué, parce que ça arrive pas souvent des Mustapha à l'écran, j'ai remarqué. L'autre que j'ai pogné, c'était fucking Will Ferrell dans Austin Powers. Oui. C'est un cave! Hostie qui est. C'est un esti d'épais, là! Il parle avec un accent un petit peu rond comme ça. Puis, si tu lui poses trois questions de suite, il va te répondre. Okay. C'est la troisième question, il va te la répondre. C'est fini, là. Il y a aucun choix, apparemment. Mais là, ça m'a fait dire, oh, ça y est, là. C'est comme les seules fois que je vais voir un Mustapha à l'écran, ça va être un cave, ça va être un mort, peut-être un terroriste. Mais il y a celui qui a fait le coup d'État, là, qui a tué le père de Simba. Ça, c'est Mufasa. C'est vraiment... Non, en fait, Mufasa, c'est le père de Simba. C'est Scar, l'autre. C'est ça. Ouais. Je connais mes classiques. Okay, maintenant, arrête de parler, là, puis ça va être correct. Ouais, okay? C'est ça. Bon. Désolé. Moi, je travaille pour toi, là. Ouais, je sais, mais ça aide pas. Mais ça me fait juste lever... C'est vraiment juste ça comme question. Puis parce que là, tu regardes à un moment donné, tu réalises que les seuls temps que je vois d'autres Arabes qui sont comme ça, c'est constamment la même affaire. T'as les terroristes libyens de Back to the Future. Les terroristes palestiniens de... Comment le film avec Arnold Schwarzenegger, que j'ai oublié le nom parce que je m'en calisse, là? Die Hard? True Lies. Pensé à Die Hard aussi. Ouais, excuse, il y a Collateral Damage aussi. Collateral Damage. Ouais, ouais. Aviez-vous oublié Collateral Damage? Par applaudissement ici dans la salle, qui avait oublié Collateral Damage? Merci. Mais c'est, ça fait vraiment comme... C'est un peu... Arrête de rire. C'est un peu... C'est un peu problématique en quelque part parce que tu réalises qu'à un moment donné, si jamais ils mettent un personnage arabe à l'écran, puis le film il est poche, là. On le voit 5 minutes, là. Il fait juste se promener, comme salut, je suis juste un bon gars, on va faire du thé, puis il s'en va, là. Je vais triper ma vie solide à voir le film, là. Ça marche pas. Il y a vraiment une espèce de manque de représentation solide qui se passe, non seulement pour les Arabes, mais pour les autres. Pour aussi. Les Mustapha, surtout. En Entre fait. Autres. Ouais. Principalement, ouais. Les Mustapha. Ben, à cette heure, même souvent pour les films, ils ont un edit différent pour la Chine, ouais. Dans lequel il y a plus de personnages chinois qui n'ont pas de ligne. Là, ouais, okay. Puis c'est vraiment un problème. Là, on saute un peu de l'arabe, on va aller quelque chose d'autre. Iron Fist est sorti récemment sur Netflix. Tout le monde qui. Tu sais que j'aime ça, le mot fist dans ouais, un titre de quelque chose. Chut, ta gueule, laisse-moi finir, j'ai juste 5 minutes. Okay. C'est vrai, il a raison. Okay, Iron Fist est sorti sur Netflix, le personnage principal, ils l'ont gardé comme il l'était. Donc, un personnage vraiment pas intéressant, et en plus de ça, il est américain. Puis, il y a du monde qui sont en train de dire peut-être que la série aurait été meilleure si c'était un chinois. Là, je peux pas être totalement d'accord parce que si c'est mal écrit, c'est clair que ça va pas s'améliorer le moment que tu mets un chinois. Mais je peux te dire que le moment qu'il aurait mis un chinois, là, t'aurais toute la horde du quartier chinois qui aurait commencé à la regarder puis à le défendre, la série, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres séries qui font la même affaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient me gruger, en quelque part. En tant qu'immigrant, en tant que minorité ethnique, surtout que je sais que je ne parais pas comme minorité ethnique, on s'en fout, on passe à autre chose. Je finis par triper sur des affaires qui ne sont pas si bonnes que ça. Le premier Assassin's Creed, c'est mon préféré. Je sais! Mais s'il est arabe, c'est le seul arabe de la gang! Fait que je trippe ma vie solide à cause de ça, puis je devrais pas! Tout comme quand Jake Gyllenhaal avait fait Le Prince de Perse. Moi, je pense que tu vas aller t'asseoir un là. Un arabe musulman, là, OK? Les assassins, c'était des musulmans. À la base, bah oui, ça vient de hashish. Là, ils fumaient tellement assassin. De hashish. Ouais, assassin qui tue. C'est ça. Pas la même affaire. J'ai obligé de triper ma vie pour ça, pour des affaires comme ça. Il y a un jeu qui est sorti qui est une copie conforme d'Uncharted. Pas si bonne que ça, en plus de ça. Mais j'ai été un peu plus fin avec, parce que le personnage principal, c'est un Iranien. Fait que c'est là où est-ce que je veux en venir, ce qui est important. C'est que la représentation des personnages minoritaires, ethniques, que ce soit ethnique ou côté oriental, sexuel, ou n'importe quoi de même, ça devient important parce que le moment que tu donnes un seul exemple positif, même si c'est pas bon, les gens comme moi, les gens qui sont dans d'autres minorités, vont sauter dessus comme si c'est la seule chose qu'ils ont vue. C'est la seule bout de chair que le lion a trouvé dans le désert, essentiellement. Il y a crissement faim, il va accepter n'importe quoi. Comme dans Ghostbusters avec juste des filles, là. Ouais! Ça, c'était n'importe quoi, mais il fallait l'accepter parce que c'était des filles. Il était correct comme film. Il aurait pu être bien meilleur. Oui, mais, oui. Mais le monde sont assoiffés pour un divertissement comme ça. OK. Fait que quand quelqu'un se plaint de trucs comme manque de représentation, quand on se plaint de l'appropriation culturelle, c'est pas parce qu'on veut juste faire chier le monde puis qu'on veut pas que vous preniez nos recettes de hummus puis que, alternativement, vous soyez une espèce d'infernaliste malade là qui met du porc dans son couscous. Tu sais, je vous le jure, si vous faites ça, il y a un enfer spécial pour vous. C'est le même enfer que pour le monde qui parle au cinéma. Puis, ouais. OK. Ouais. Oh. Mais puis si t'es pas capable de comprendre ça, ben je peux comprendre là. T'as rien à perdre, aucune culture à perdre. OK. Merci, Mustapha. Il y avait une J'ai morale. J'ai vraiment envie de mettre du bacon dans mon couscous. Ouais, hein, moi aussi. Tu y enverras une photo. Pour deux raisons, en fait. Un, ça me semble délicieux, puis ouais. Je n'y avais pas pensé avant qu'il en parle. C'est vrai. Puis deux, ben, je suis athée, fait que je m'en calisse. Ouais. C'est pas pire, ça. Des fans de cuisine, vous autres? Tout à fait, surtout quand c'est pas OK. Oups. Ouais. Tout à fait, surtout quand c'est pas moi qui l'ai fait. Ben oui, toi t'es occupé à jouer de la musique. Toi, Sly? Non, j'ai pas de télévision. OK. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S Podcast PODCASSE ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. C'est ça de réglé. Allez, on passe au prochain chroniqueur. Salut Tommy. Hey, salut Simon Bartalance. Salut les copains. Hey, salut. Nous sommes le web. On est l'Internet. Nous sommes l'Internet. Hey, ça, on j'aimais est les ça, gens mais qui veulent vous montrer notre vie, yeah. Avoir des likes. Non, mais sérieux, ça m'a fait réfléchir, cette vidéo-là. Ça m'a fait réfléchir qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Ben oui. Puis il y a des gens qui me le disent sur Internet. On fait des liens, là. C'est comme un loop. J'ai parcouru Internet la nuit dernière à la recherche de commentaires à mon égard. Et j'en ai récolté quelques-uns. Je vais vous les lire. Je vais mettre la luminosité parce que je suis pas Superman. Fait le même combat que les Africains qui crèvent oui. De faim. Écoute, Simon Portalance qui se fait dire des affaires. Là, j'ai comme filtré les ces plates télé. Parce que je suis allé avec des affaires un peu plus originales. Là, des, tu sais, les commentaires négatifs qui ont des gags, c'est surtout ça que bon, j'ai déjà investi. des gens qui sont forcés. Juste pour avoir une idée, ça t'a pris combien de temps comme filtrer les C plates puis tes lettres, juste pour qu'on ait une idée? Ça m'a pris 45 minutes. Ok, c'est bon. À parcourir Internet, mal, comme avec un surf de l'information. En tout cas, on va commencer avec le premier, qui date de 2014. J'ai de la misère avec ces gars-là. On dirait les vidéos qu'il fallait faire en art dramatique au secondaire, mais en HD. c'est ça. Un commentaire du 2 octobre 2015 sur le site web des Pile-Poils. Simon Léchappe, arrête de faire des faces drôles et finis ton secondaire. Ouais, c'est une excellente idée. Une excellente idée. Ok, Martin Bout... Ah non, je le nommerai pas. Je nommerai pas les... Non, nommerai pas, correct. C'est pas comme P.O. Baudouin, en fait. Si vous voulez les savoir, ils sont sur Internet. Ouais, faut chercher, creux. Ok, un commentaire qui date de juin dernier, après la parodie de Pitbull sur les Pitbulls. C'est extrêmement mauvais en salle comme parodie. J'ai vu des textes plus recherchés et travaillés que ça dans les poubelles de RBO en 1988. Surfez sur la vague parce que vous n'irez pas plus loin quand le ressac se fera sentir. Oh! Oh! Hey, il est méchant, lui! Hey, il a mis le ressac dans le hate. Hein, après ça, t'as continué à faire des vidéos pareilles. Ouais! Crime! Mais là, Charles est meilleur, là, mais j'en mange. Ce qui est le plus louche, c'est que ce gars-là, il fouillait dans les poubelles de RBO. Ouais, c'est ça, en j'avais commenté 88. Ça, mais j'ai pas trouvé le. Parce que c'est un screenshot que j'avais pris à l'époque qu'il avait écrit ça, mais j'ai pas ma réponse. Mais j'avais exactement répondu ça. Hey, man, t'es chanceux d'avoir fouillé dans les poubelles de RBO. Peux-tu nous donner une coupe de leur texte? Quoi de même? Ok, ça date de la parodie des Baronets qu'on avait sorti genre 2 jours après la mort de Renan Gélil, mais c'est un hasard, mais en tout cas, whatever. Je trouve que c'est très malaisant de profiter de la mort d'un artiste connu pour avoir des vues sur YouTube. Je suis honnêtement très déçu, Simon Portelance. Il prend la peine de me nommer pour être sûr que le message passe bien. Ça vient de Monsieur Popo, un personnage de Dragon Ball. et ça, c'est quelque chose que René Angélil n'aurait jamais fait. Non, écoutez non, Dragon Ball, jamais. Non. Ben trop violent. et il aurait. Puis j'avais répondu à un bloc. Je réponds pas souvent, mais quand c'est des commentaires de même construits, pis tout, je réponds, mais de manière intelligente. J'avais dit, tu sais, on n'est pas pire qu'Echo Vedette qui vendent des revues, pis qui font plein de cash, whatever, pis TVA qui font des rétrospectives à journée longue qui remplissent leur code d'écoute avec ça. En tout cas, puis il avait répondu, Simon Portelance, tu ne vas jamais contribuer à la société. Tu ne feras que des vidéos sur YouTube insignifiants qui ne font que dégrader de vrais artistes qui méritent du respect. Oh, contrairement à toi, Simon Portelance, putain d'enculé. Damn! Oh, ah, il t'a lancé le mauvais œil, là, à toi et ta descendance. Ah, il m'aime pas. Sur une autre vidéo, parodie de Pimpon, ça date d'il y a 4 ans. Cette vidéo détruit toute ma jeunesse. C'est dégueulasse ce que tu fais. Tu pourris une émission innocente pour enfants en faisant mention d'alcool et de drogue. Oh, tu mérites de mourir, Simon Portelance. Oh, tu faisait juste ça. Tu mérites de mourir. Ouais. Ben merci pour attends, le conseil. Attends, puis là, cette fois-là, t'avais fait une vidéo sur Pimpon. T'avais pas commis un génocide, là. Non. Juste pour être sûr, là, non, ben, tu sais, Pimpon était sous, puis il est comme... Puis moi, je suis comme... Ah, papa, il est pas... C'était pas méchant, là. OK, il était sous. Il dit mention de drogue. On a même pas parlé de drogue. Elle était vraiment solide, son enfance. Ouais. Soit qu'elle était solide, soit qu'elle était crissement faible, qu'il fallait vraiment pas grand chose pour la détruire. Non. Hey, là, on retourne en 2012. On est allé fouiller dans les annales. C'était pas souvent un de mes premiers commentaires négatifs. Fait que tu t'en rappelles de ça. Fait que tu commençais à être connu, tu sais. Ben, pas vraiment, mais. C'est ça que ça veut dire. Non. Je sais pas. 8 janvier 2012, exactement. Simon oublie. Ben, là, il y a des fautes, fait que je vais prononcer les fautes. Simon, oublie ta carrière d'acteur. Tu l'as pas du tout. T'as l'air d'un constipé devant la caméra. La même personne a écrit sur une autre vidéo qui s'appelait Deux gars dans le bain. Deux gays dans le bain, vraiment trop stupide. Sérieux, pas de X. Vous avez vraiment rien à foutre pour perdre votre temps à faire les retardés mentales. Puis on termine ça avec. Quand on avait fait la parodie de Pied de Poule, François Charon avait partagé ça, puis on est arrivé d'un nuage de ma tante, là, puis là, le monde n'était pas bien content. Stupide, sans cœur et de mauvais goût, c'est le comble du ridicule, c'est à chier cette vidéo d'hostie de con. L'arrière. Tabarnak, man! Stupide! Vraiment de mauvais goût et sans cœur! De mauvais goût! Comble du ridicule! À chier! Hostie de con! C'est tous des commentaires différents. La famille de la victime ne la trouverait pas drôle, blablabla. Puis ça continue même pendant trois pages. Nous sommes le web, nous sommes Internet, puis j'aime ça quand le monde m'aime pas. On est... Merci Simon, ça fait du bien, du empowerment. Faites la même affaire, vous faites détester, lisez-les en public, puis riez-en, calisse, au lieu de brailler. En tout cas, il l'a dit. Il l'a dit, ça c'était la fille dans... C'est dans Passe Partout, il y a une Élodie. Non, moi je pense. Élodie, ouais, c'est vrai. Sinon, Slice, ça va. T'es nom d'affaires à soi, hein? Non, je sais pas. Je dois être en fin de fête, là. Fait que je suis un petit peu plus diffus, pis tout, là. J'ai eu des sacrés beaux cadeaux, pis j'ai même réglé mon problème de Zelda. On passe au prochain! Des dossiers très très importants. Salut la gang. Salut Mathieu. Êtes-vous en forme? Merci, merci. Il y a quelqu'un qui a compris le mood. Tu sais, il y a une mode de se dessiner des sourcils. Les filles font ça. Les filles, ça c'est pas beau ça. Bon, ceci étant dit, non, faites pas ça. Vous êtes tellement belles au naturel. Et ça coûte moins cher, vous remarquerez. C'est des économies constipentielles. Écoute, Tommy! Constipentielles. Je suis tellement de bonne humeur cette semaine qu'on dirait que j'ai décidé la date de mon suicide. C'est l'enfer. Pour trois choses, Laurent Paquin a raison. Éric Duhaime a tort. Et deux personnes sur cinq s'en calissent. Ben... C'est 37% de la population. Ça commence à être des tarlats puis des tarleux, là. Okay. Ça en fait. C'est que dans son numéro nommé Les Épais, Paquin explique que dans les débats polarisants, dans les débats en général, en fait, il y a des épais dans les deux camps. Et son point de vue est que si tu t'en rends pas compte qu'il y a des épais dans les deux camps, c'est peut-être que parce que t'es un épais toi-même. Hein? Ouais. Shout-out Philippe Couillard, tu sais. Maître cafouilleur. Ouais. Ça va bien vieillir, ça. Ouais, c'est bon, ça. Il doit me rester de la place pour l'imprimer quelque part sur mon corps. La semaine passée, Éric Duhaime sortait du garde-robe en disant « Ben oui, je suis gay, pis quoi? Hey, » yeah. Pour lui, le dossier homosexuel c'était gagné. Célébrons et passons à un autre appel. Ben même, il en avait fait un build-up aussi. Ouais, il a dit demain, je vais vous annoncer une grosse nouvelle. Oh, ça a l'air qu'il n'est pas si gros que ça. Hein. Non. Il a tort! Il n'est pas gay? Il a tort. Son opinion. Okay. Il a tort, réfléchis deux secondes et il a tort. Mais il a raison sur un point, parce qu'il était à Tout le monde en parle hier, et j'ai eu le devoir de l'écouter parce que j'allais en parler. Il a raison sur un point, c'est qu'au Québec, de plus en plus, quand on entend des propos homophobes, on réagit, là. « Hey, petite tapette! » Là, t'es là. « Hey, man, c'est con ce que tu dis. » Et ça, c'est une réaction tout à fait intelligente et pertinente à avoir. Je vous invite à l'avoir. Et ça, on pourrait en fait... Comme ça pourrait aller un peu partout dans notre société, ce genre de choses-là. T'sais, on pourrait, comme quand t'entends « Hey, est-ce que tu te plottes, j'y ferais pas mal », tu peux réagir. T'as le droit. Ou quand t'entends « Mes ministres sont dignes de confiance. J'ai confiance en eux. » Ben, tu peux réagir aussi. Hein. Bon, là, ils ont fait des lois qui nous empêchent de réagir, mais coudonc, hein? Faudrait qu'on aille 2-3 à l'école, là, devenir des avocats puis essayer de faire changer la patente. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Hein? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui! Oh. Comment? Je ne sais plus. Et il y a un sondage CROP qui révèle qu'au Québec, 2 personnes sur 5, qui est 37% de la population, Eux, ils pensent que le fait qu'une nouvelle ne soit pas totalement vraie, ça leur importe peu. Ça leur importe peu. L'important, c'est que ça fasse vibrer une corde sensible. Moi, ça marche pas, ça. Là. Moi, écoute, moi, la palourde royale, scie en deux. Trancher fin qu'une petite salade de la Macédoine. Franchement. Après ça, là, faut pas s'étonner qu'il y a de plus en plus de monde qui pense que la Terre est plate, Tommy. Oui, la Terre est plate, mais c'est pas la planète, c'est le monde qu'il y a dessus. Oui, vous êtes plate! Vous manquez d'imagination, puis vous êtes mou! Ce qui me fait dire, en terminant, le monde entier, on est dans la marde. On est dans la marde solide. Et pourquoi on est dans la marde? Parce qu'on se laisse enculer. En se crissant de ce qui est vrai, ben on laisse les calomnies mener le monde. Là, le clown parle dans le vide. Puis nous autres, pendant ce temps-là, ben, on pense que la Terre est plate. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Hey, d'ailleurs, ça m'est arrivé cette semaine. Cette semaine, il y a un de mes amis qui a commencé à m'écrire. Puis, on en a parlé. C'est quoi l'axe d'inclinaison de la Terre? Ben, 23 degrés. 23,4. À l'envers, c'est quoi l'angle? Qu'est-ce que tu veux dire? 90 degrés? Moins 23,4? 66,6. Voilà! Pas voilà! Tranquillement, on s'en va vers la preuve que les francs-maçons contrôlent la NASA. NASA, ça veut dire tromperie en juif. Que. Man, je l'écoute, mais que ben, je lis les affaires qu'il m'écrit, puis j'ai vraiment le feeling comme un propriétaire de cheval qu'il faut qu'il tire une balle dans la tête de sa bête qui s'est cassé une jambe parce qu'il n'y aura plus jamais rien à faire avec ça, tu sais. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Elle est pas plate, tu sais. Ça. En tout cas. Moi, c'est le voilà que j'aime bien. Voilà. Ben, on est rendu, tu sais. 66,6. C'est la preuve C'est écrit dans le livre, Tommy. Ah oui. Là, il a parlé de terre creuse, il a parlé de nazis, il a parlé de. Tu sais, un assez gros melting pot. Là, Paul est pas mort, finalement. T'sais, voyons, câlisse. Oui, c'était un Illuminati, puis il travaillait pour la CIA. Puis là, il y a Alice au Pays des Merveilles qui est mélangée là-dedans. Je l'aime bien, cette histoire-là. Je comprends plus rien, ça fait longtemps. Tu sais, il me semble que c'est tough en esti de. Être cave de même. Je m'excuse. Allô? Aïe, je pense qu'on peut passer au dernier. Voici maintenant les nouvelles avec Bruno Corbin. Corbin. Les nouvelles. Ouais, c'est Justin Trudeau sur un livre, hein? Oui. Est-ce qu'il est signé par Justin Trudeau? Ah, il est signé. Jette-moi la jaquette. Non, tête-moi la quéquette. Ah. Je pense pas que c'est Justin qui a signé ça. Peut-être. Justin Trudeau. Je sais pas si ça vient terrain d'entendre. Vas-y, Bruno, amène-nous dans le dernier bloc de nouvelles. Un homme de Calgary a été arrêté pour avoir accroché plus de 100 ballons d'hélium afin de les accrocher sur sa chaise de jardin pour faire une escapade en s'envolant. Ah, man, il y a déjà eu un mort à cause de ça. Ouais. L'homme de 27 ans qui a concocté ce plan afin de promouvoir sa compagnie de nettoyage a plaidé coupable à des accusations d'opérations dangereuses d'un engin volant. L'homme a reçu une amende de 3 750 $ et devra faire un don de charité de 15 000 $. Suite à sa condamnation, l'homme a déclaré... Ils n'ont pas arrêté les frères Wright. Attends. Ah, c'est pas fini! Je me retiens! Ça va. Ajoutant, C'est difficile de prendre tout ça au sérieux quand je me fais poser des questions à propos d'un vol de chaises de jardin. Ouais, c'est vrai. Mais il n'est pas les frères Wright. Mais non. Calvaire, man. C'est vrai qu'ils ont pas arrêté. Ils avaient arrêté son argumentaire, c'est quoi la pas. Vérité, Tommy? C'est qu'ils ont pas été arrêtés. Ils ont pas arrêté les frères Wright. Voilà. Ben oui, c'est sûr. Mais... Case closed. Let's go next. Un homme de Myrtle Beach en Caroline du Sud est entré dans une pizzeria avec l'intention de voler le contenu de la caisse. Lorsqu'un l'employé lui a demandé s'il pouvait l'aider, l'homme a sorti le chargeur d'une arme à feu, le pointant sur l'homme et lui demandant le contenu de la caisse. L'alcool aurait joué un rôle dans cette histoire. L'homme aurait simplement slappé le chargeur hors des mains du suspect, qui a ensuite pris la fuite. La police est toujours à sa recherche. Il a courageusement pris la suite. Son plan n'a pas fonctionné. Non. L'alcool aurait joué un rôle dans cette histoire. Il n'y a même pas d'alcool. C'est... Voler une pizzeria, c'est pas un dépanneur, mais on est... Ah oui. On est presque... Je pense qu'on est pas mal là. Oh, oui, ouais. C'est bon. Ah, imagine si ça avait marché, il aurait pu faire 92 et 32, tu sais. Next. Un homme du comté de Nassau, en Floride, voulait se débarrasser d'un vieux livre. Il a donc décidé de les amener dans sa cour et de les crisser en feu. Sa cour, une forêt remplie d'arbres en Floride, a rapidement pris feu. Feu qui, aux dernières nouvelles, s'était propagé sur 400 acres et était contrôlé à 65%, emportant entre 10 et 15 propriétés environnantes. L'incident ne serait pas motivé par des raisons politiques. L'alcool aurait joué. Aïe, c'est de calice. Mais à la prochaine, tu t'aurais pu arrondir le 65. Écoute, c'était les deux. Non. C'est quoi la vérité, Tommy? La vérité, c'est que les frères Wright n'ont pas été arrêtés. On peut être arrêtés, c'est ça. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Ah, sapristi, on vient de le faire. Un autre 70% magique. Je vois les gens de Éric Ruel. Hein? On est-tu là? Non? Est-ce que, en tout cas, tantôt, on va parler de Justin Trudeau avec les gens qui ont fait God Save Justin Trudeau. Ça a été un sacré 70%. Merci beaucoup à Stéphane Mallette et à Olivier Godette qui ont fait la technique ce soir. Merci à tous les chroniqueurs. Oui, merci à Bruno. Et... En fait, dans quelques instants, on va passer la POC aux Dirty Habits qui vont mettre des décibels qu'on n'est pas habitué de vous offrir ici à 70%. Mais je suis correct, on va grandir tout le monde ensemble. Merci d'avoir été là. On se reparle tantôt avec des gens qui ont fait un film. C'est capoté. Yeah! Est-ce vraiment sérieux? Donnez-moi deux secondes, right. Je tire ma guitare, puis après ça, on commence. Drums. Here we Salut, go. Salut, on s'appelle The Dirty Habits. All right. Ready to rock? We're the Dirty Habits, and we make a lot of fucking noise. Let's go. Thank you. don't turn your back, I'm not the one who betrayed. I can't stand the pain when you go away. And if I say I'm leaving, you gotta go. And if I say be here, then you gotta go. I think you don't know. You had no choice but to hide it and roll. You had to run, you had to get out the back door. You never wanna change, you gotta be by my side. Just tell me where to stand, and I'll tell you when to cry. You don't know. If they took it out of prison, is there something else I will need you? Oh, come on, I ain't deceiving, I just tell it like it is. Anything you know about me seems so real. If you don't know, you had no choice but to hide anymore. You had to run, you had to get out the back door. You never wanna change or try to be by my side. And I'll tell you when to stand, and I'll tell you. If you don't know, don't know. If you don't know, don't know. Times, baby, love me twice today. Love me two times, baby, as I'm going away. Love me two times, baby, once more tomorrow and once just for today. Love me two times. I'm going away. Love me one time, baby, yet do not speak. Love me one time, baby, your money is darling. Love me two times, girl. Yeah, love me all through the week. Love me two times, I'm going away. Love me two times, I'm going away. Oh, yeah. I read this song called Yeah, Whatever. It's too quiet in here. All right. And sing into the mic. I'm trying it, man. All right, let's do this. All right, one, two, three, four. I hear about your messed up life. I feel a bullshit myself. Don't need to know about your problems with your wife and how she makes your life a living hell. And sympathy seekers, secret keepers full of fear. And stop complaining, procrastinating. I don't care, cause you sell your own fate. Whatever you do, and I don't want to hear about it. Fuck you! You sound stupid more with every passing day. I wonder how you survive. It seems you like to go on blaming everybody else. You never look at yourself. Seems you like to get good at everything. Looks like something you hate. Around sitting all your stupidity. Hope you get a lot before it's too late. Yeah, whatever, yeah, whatever, yeah, whatever you say. Yeah, whatever, yeah. Whatever you say, whatever you do, and I don't want to hear about it. And I want you to know that I don't give a fuck about what you're saying. I want you to know I don't care. Merci, merci, merci, merci, merci à tout le monde. Bonne continuité, bonne fin de soirée. Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, Tommy? Yes, we are. Where's Tommy? Where's Tommy? Tommy, my friend. Tommy, Tommy, come on, Tommy. Tommy, can you hear me? Est-ce que ça nous tente d'en avoir une autre? Peut-être qu'ils sont encore convaincables. Oui, je pense que oui. Oui, je pense. I think we want another one. Ouais, ils sont en conciliabule, c'est le mot français. Hein? Le conciliabule progresse. Nous sommes le web. Nous sommes l'Internet. Nous sommes les gens qui veulent ramener l'amour. On est meilleurs que vous. Parce qu'avoir raison, ça se fait dans son sens. Fait que là, OK, monsieur Tommy, numéro on a spot. Y a-t-il du monde qui se rappelle de Billy Idol? Oh, ben, rap, on a entendu, c'est pas juste. Il va manquer le drummer, mais on va vous essayer de vous faire ça un peu rock'n'roll pareil. All right, ready, guys? All right. Little bits keep dancing on my door. Last night a little angel came calling on the floor. She said, "Come on, baby, I got a license for love. Itty-bitty spiders, bring help from above, because in the midnight." More. With the rebel yell, cries more. In the midnight hour, baby, more. With the rebel yell, more. She loves me, I see. She's a aeroplane. But when she got to love me, she's a leaf, she's big. What set you free? Brought you to me, babe. What set you free? Yeah, I'd give it all for you. Yeah, dry your tears of pain, baby. I'd give it all for you. I'd sell my soul for you, baby. For money to burn with you. Not giving all, then have none, baby. Give all, I give all, I give all, I have you here by me. Because not all, God's more. C'était Dirty Habits. On vous invite à aller les voir sur Facebook et le reste. À partir de maintenant, ben, on laisse la place aux deux VJ de la soirée. On va commencer avec le bloc de Jules. Il a monté ça d'un bloc. Ensuite, Florence va prendre le contrôle. À la fin de ces deux aventures-là, on va écouter, peut-être en primeur pour plusieurs personnes, le film que Jules vient de faire sur Justin Trudeau, qui est la vedette du moment pour toujours à partir de maintenant. Le Saint-Angélus, la lumière qui nous a été donnée durant la nuit la plus longue. Et ben c'est ça. On s'en reparle un petit peu plus tard dans la soirée. Merci de bien gros d'être là. En fait, on commence la deuxième partie de la soirée maintenant. Merci à Dirty Habits encore une fois. Allez voir ça sur Facebook. Ouais. Oui, absolument. C'est le cours de la congolexicomatisation. La congolexicomatisation. C'est que je donne la congolexicomatisation de loi du marché propre aux Congolais. Du marché propre aux autochtones, aux Congolais. Alors, ces lois doivent s'adapter compte tenu de la loi pour le droit des obligations. Je m'en allais vers l'astronomie, tu sais, c'est parce que je m'en vais dans ce domaine-là plus tard. Puis un soir, je suis en train de faire des observations. Puis là, il y a un objet, tu sais, qui est apparu, puis qui flottait dans, tu sais, qui flottait dans les airs. Là, l'objet bougeait. D'un coup, ça s'est arrêté. En premier lieu, j'ai pensé tout de suite que c'était un avion. Mais c'est quand l'engin s'est arrêté devant moi, s'est arrêté devant moi complètement. Puis après, elle est partie vers une autre direction, puis elle a accéléré. Là, j'ai compris que c'était un phénomène inconnu. Es-tu vraiment sûr que c'est une ovni? As-tu des preuves ou quelque chose? Bien, j'étais allée à mon organisation, j'ai passé un questionnaire, puis d'après les détails que j'ai donnés, tu sais, parce que je faisais pas de photographie pendant ce temps-là, tu sais. Et puis, d'après ce que j'ai fait, à l'échelle mondiale, c'est 50% des chances que ça n'était vraiment un. Mais oui, c'est clair! Mais il manquait encore de détails, puis, tu sais, de preuves flagrantes, comme c'était. Mais, tu sais, si, supposons, un gars va truquer une image, tu sais, puis on va lui poser des questions sur cette photo-là, ça sera pas la même chose que si le gars il a vraiment vu quelque chose, tu sais. Puis, toi, tu t'intéresses comme ça, là, aux ovnis depuis ce temps-là? Vraiment, oui, depuis ce temps-là. Alors, tous les gens qui sont dans les casinos, que vous voyez, qui touchent, qui essaient d'arrêter les icônes, ils essaient d'arrêter les rouleaux avant que ça s'arrête. Mais eux, c'est pas de ma faute, moi, s'ils accordent des vertus à la machine. Vous êtes folle! À certains endroits, j'ai même dit à des gens, parce que je les trouvais trop agités, en disant, mais écoutez, c'est juste un ordinateur avec des algorithmes. C'est le hasard. Ils disent, cette machine-là, elle gagne, et puis celle-là, elle gagne pas. Dit, oui, mais y a on des, peut y rien prévoir, finalement. Allez. Mais bien sûr que non. Mais c'est ça qui est l'excitation aussi. Vous êtes une hostie de folle, Chris. C'est comme la vie. Pourquoi on vit intensément? Parce qu'on sait qu'un jour, on va mourir. Alors, quand on joue au casino, on se dit, on peut gagner. C'est une salope de nous laisser tomber dans la rue comme ça. Il nous faut des principes de WP Work Perfect F fois X fois cosinus angle qui donneraient ceci, c'est que vous allez voir de log de X plus 11 factoriel dans log de X plus 15 qui donnerait égal de X au carré plus 26X plus 165. C'est AX au carré plus BX plus C. C'est le triumvirat. Quand vous avez qu'une chasse à 00243, FIH pour les gens qui font l'ISTA, la cryptogamie. Alors, mais maintenant ici, vous avez 2 fois 5. Humanité, écoute. Bonhomme malin, plus de 1/5 de la population terrestre en est victime chaque année. Ça m'est arrivé. À moi aussi. 3 fois cette année. Pourtant, ce prédateur vicieux sévit en plein jour, en pleine ville, en pleine foule. Ça nous est arrivé. Pour proliférer, ce mal universel utilise la plus insidieuse des armes, l'indifférence. En ce mois de marche, aidez-nous à combattre les chutes dans les escaliers. Rappelez à ceux que vous aimez et aux autres que faire attention dans les escaliers, ça marche! Écoutez, mon nom est Mathieu Cloutier. Je donne mon 70% et j'espère marquer des buts avec la gang des douteux. Fabuleux. Merci beaucoup. On vous a pas dépaysé en n'utilisant pas la même chanson que d'habitude, mais on a un encan très particulier ce soir. C'est sûr, je capote encore. Messieurs Éric Ruel et Julien Joubert, merci beaucoup d'être avec nous. C'est là le temps d'applaudir. Ouais, ouais. Voyons. N'hésite pas à prendre le micro. Salut tout le monde. Ben oui. Hey, bravo Jules pour son film. Un bon film. Oui, pour mettre peut-être un petit point d'exclamation là-dessus, le film de Jules était particulier. Absolument. Oui, merci Jules de ça toute ouvre beauté. La discussion. Oui, effectivement. Sinon, ben, en fait, nous, on va parler du long métrage qu'on va écouter maintenant. C'est pas la première fois qu'on met un documentaire. On a déjà mis Jesus Camp, on a mis American Pimp. Ce soir, on est un petit peu dans la même veine à tous les niveaux. Ça vient d'où cette idée-là de parce qu'on dirait que parle-moi de la genèse de God Save Justin Trudeau. Premièrement, c'est intéressant. En 2011, à la fin 2011, on a entendu parler que Justin Trudeau, à l'époque député d'arrière-ban du Parti libéral, voulait aller boxer dans un ring contre un sénateur qui était un autochtone du Parti conservateur. Fait que c'était intéressant comme métaphore. On pensait qu'il y avait beaucoup de substance, mais on s'est rendu compte qu'on documentait pas vraiment des liens entre la boxe et la politique, mais bel et bien les débuts de la politique spectacle. Vraiment. Au Canada, peut-être pas chez nous, les débuts, mais là. Mais chez nous, de façon aussi grandiose. Exactement. Parce qu'avant ça, c'était très retenu. C'était plutôt dans la retenue. Ouais. Harper jouait un jeu avec les médias, tu sais. Je veux dire, au niveau canadien. Ben oui, au ben niveau oui. Québécois, on se a eu. Les posters et tout. Là, mais on a eu quand même, tu sais, on a eu quand même un champion de la mascarade, Jean Charest. Oui. Qui était très, très bon, tu sais, pour vraiment amuser les foules, distraire. Mais quand même, donc là, on s'est mis à documenter quelque chose. On se rendait compte qu'il y avait qu'il allait se passer quelque chose de peut-être plus important que ce qu'on s'attendait. Premièrement, c'est qu'au fil du temps, on se rendait compte qu'il y avait très peu de motivation, politique. Justin, tu veux dire? Oui, de oui. Justin, puis tout ça, mais très peu même de motivation. On se rendait compte que c'était quelque chose de personnel. C'était une quête, mais c'était vraiment particulier. Justin Trudeau est une gentille personne. Si tu lui sers la main, c'est une bonne personne. Il a des enfants. Tu sais, là, je veux dire, il doit payer ses impôts. Je sais pas. Mais c'est particulier passer du temps avec quelqu'un ou est-ce que tu lui demandes des questions comme ben pourquoi tu vas aller en politique? Mais pourquoi tu es allé en politique? Pourquoi tu veux faire ça? T'sais, moi, je suis un gars très engagé. Moi, je pourrais t'expliquer, parler de mon engagement. Ben, en gros, la réponse après tant de temps, c'est toujours la même. C'est ben, j'ai décidé de faire la politique parce que je pense que je suis bon en politique. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça goûte la ça soupe veut dire trop né, de sel. Mais tu sais, dans sa tête, c'est qu'il est né dans dans le jeu, dans le cirque. Il a grandi avec les médias. Au Canada, il voit ça comme une dynastie, hein, les Trudeau. Nous autres, mais, tu sais, c'est une dynastie, mais tout autre. Si tu me permets, l'Angélus ne peut pas choisir les anges de par la bouche desquels ses louanges sont chantées. Et si le destin a voulu que les anges soient l'Angélus lui-même, qui sommes-nous pour juger, hein? On ne fait que recevoir la beauté glorieuse de l'être parfait qui nous a été donné. Mais en c'est cette drôle. Nuit la plus longue, un 25 décembre. Mais c'est drôle hein, que tu dis ça, parce que Justin Trudeau dit quelque chose en y oubliant les caméras à un moment donné. Nous, le but, c'était de faire un film où est-ce qu'on est comme une mouche hein, sur un mur, « Fly on the wall », ils disent en anglais. Ah, mais Justin voulait c'est pas. Une bonne. Non, mais attends une minute. Pendant un instant, on l'a entendu dire à sa blonde vraiment où il était complètement... sans filtre, rien dit à sa blonde, il dit, tu sais, moi, là, j'ai été mis sur la terre pour ça, pour ce jour-là. Ah oui, quand vous le sous-titrez tellement dit, c'est pur, là. Pour gagner, finalement, c'est pour gagner un combat de boxe. Lui, il a été mis ça à terre pour gagner un combat de boxe puis montrer aux gens comment ils peuvent faire le pas en avant. Qui peut être 4 pouces de plus haut et 3 livres de moins, là. Non, c'est qu'il a été, rigué pour... Il a été dans sa tête, il a été choisi, il y a un destin. Ah, toi, tu vois plus et grand ça, que ça. C'est... Lui, il voyait plus grand que ça. Il peut devenir choisi pour n'importe quoi qu'il décide de participer, si à un moment donné... Lui, il pense que c'est un... Ben, il dit, vous allez en être témoin. Je pense que le film parle de lui-même. Sans dit long sur l'époque dans laquelle on est. Tu sais, c'est bien drôle, on rit, tu sais, mais les 140 caractères, puis communiquer comme ça, c'est très réducteur à la longue. Puis on le voit, là, tu sais, aussitôt, tu sais, qu'on parle avec nos amis, tout ça, puis qu'on essaie de débattre, de parler de questions comme d'indépendance, d'avenir, peu importe c'est quoi. Souvent, les gens sont... On l'a dit, ils veulent le retour en des Nordiques, c'est bien dit. C'est très, très, mais, Chris, très bien dit. C'est la plus belle des métaphores politiques qui existent. Mais donc, mais Justin est un produit de l'époque dans laquelle il est aussi. Le produit médiatique parfait. Il est né avec les caméras, il a grandi, c'est inespéré. Le gars, c'est un backbencher. Même quand il allait se battre pour son match de boxe, le chef intérimaire Bob Ray disait... Man, c'est une joke, on a honte, on a mal à l'humanité. Justin, dis rien en t'en allant. T'sais, tout le monde était mal à l'aise avec Justin. Justin ouvrait sa bouche. Est-ce que tu sais, ça vient d'où ce projet-là? Parce qu'à un moment donné, il dit quand on me l'a proposé, j'ai tout de suite dit oui. Oui. Mais oui. Ça vient d'où? Ouais, mais ça vient d'où? C'est un match pour ramasser des fonds, genre, pour le cancer, mais je vais vous dire, franchement, moi, regardez, j'en ai jamais entendu parler de ça. C'est devenu backbencher, honnêtement. Ouais. Puis ça veut pas dire que c'était pas important pour lui, mais j'en ai pas entendu parler. Je l'aurais témoigné. Mais t'étais là, tu le suivais aussi. Tout à fait. Bon. Je le suivais aussi. Imagine. Ouais. Parce que le cancer. Mais c'est vrai que Justin, il aurait pu nous être refusé si on n'avait pas mis un certain minimum d'attention à son message. Béni. Tout à fait. Mais je veux dire, tu sais, c'est fou, tu sais. C'est fou à quel point là, les gens le voyaient pas venir. C'est vrai, ça, pareil. Mais non, en fait, mais c'est particulier. Le plus grand allié de Justin Trudeau, selon moi, je pense que c'est la mort de Jack Layton. C'est le cancer qui a tué Jack Layton, genre. Ben, le timing était parfait, je veux dire, puis c'est des fautes du NPD. C'est des fautes du NPD, tu sais, de vouloir jouer, tu sais, l'espèce de budget équilibré, tu sais, on voulait tout le contraire. L'ensemble, je veux dire, l'Ontario se frottait les mains. On a été témoin de la naissance de l'Angélus sacré. Écoute, à partir de maintenant, Julien, des moments de tournage, genre quelque chose qui t'a... fasciné dans la patente, dans l'aventure. Julien. Éric est là. En fait, moi, je suis arrivé après le tournage. Je suis arrivé dans les communications avec God Save Justin Trudeau. Puis c'est justement en travaillant avec l'équipe qu'on a réussi à mettre la couleur à ce film-là, puis à présenter ce film-là, en fait, comme un film sur la politique spectacle. Parce que si Justin, lui, dans son cœur, avait peut-être pas oublié la cause pour laquelle il se battait. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des caméras qui, eux autres, l'avaient complètement oublié. Le contexte avait oublié totalement. C'est intéressant de voir qu'un combat de boxe comme ça devenait un fait important de la politique canadienne. mais c'est parce que c'est ça, la politique spectacle. En fait, c'est le média qui fait de la politique un spectacle, c'est un média qui fait de la politique spectacle de la même manière que Sarkozy prend son cheval dans les champs. Non, officiel. T'sais, Sarkozy, il colle les Kodak à 9h30 le matin, puis il dit « Bon, à telle heure, je vais être dans le champ, fait que si vous voulez votre shot pour le bulletin de nouvelles, c'est maintenant. » Moi, je pense qu'il faut se mettre, vraiment à réfléchir, il faut vraiment se mettre à réfléchir au rôle en des médias. L'indépendance, je veux dire, il y a des grands dossiers qui devront être auxquels on va vraiment devoir s'attaquer. L'espace médiatique au Québec, on a des problèmes. On a très très peu hein, de médias à travers le Québec, des médias régionaux indépendants. Ça, c'est de plus en plus. Il y a ça. Il y a une polarisation aussi de toutes les idées importantes qui devient un petit peu puante. Sinon, dans le film, il y a un acteur on the side que j'ai trouvé vraiment très bien sélectionné, c'est la trame sonore. Peut-être avant qu'on se lance là-dedans, j'ai trouvé que c'était un très bonne manière de mélanger le spectacle et le classique, genre les valeurs classiques qui d'habitude vont avec la politique. et l'espèce de spectacle grandiose que, dans le fond, on parlait plus de ça, on parlait de l'ange qui nous a été donné et qui dévoile ses ailes devant nous, tu sais. Ben, j'aime ça que tu... Je suis content que tu soulignes la trame sonore. C'est quelque chose... On a travaillé fort, mais pour toujours trouver le bon traitement avec le bon film. Chacun de nos documentaires, nous, c'est production de la ruelle dans notre boîte. On a fait dans les États des Unis du Canada un film sur les séparatistes à l'extérieur du Québec, donc des gens en Alberta qui voudraient faire de l'Ouest un pays, etc. Que ça soit ça ou d'autres documentaires qu'on fait, on adapte toujours en la forme, au contenu, vraiment. C'est super important. Et God Save Justin Trudeau, c'est des références, par exemple. Il y a le moment où Justin Trudeau, je vous vends rien, je vous vends pas le punch, il gagne le match de boxe. La musique que vous allez entendre, c'est le chant des esclaves hébreux qui se libèrent. Oh. Il y a plein d'affaires, il y a plein de gens qui ont changé leur fusil d'épaule pendant les Lair Harper, Red Tories. On va voir toute la salle se transformer, changer d'allégeance. C'est très important. Parce qu'on l'entend souvent aussi. Il dit Justin Trudeau, dans un clap-clap, il vous... Puis après ça, il parle de Brazo. Puis Brazo, ça... Brazo, aussi, lui, là, ça aurait pu être aussi juste un point tournant de la carrière à Trudeau, mais c'est... Il a vraiment comme mangé le bonheur d'un autre, genre, c'est capoté, ça. Non, mais ça, c'est fou, mais lui, c'était... Regarde, vous connaissez le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick? C'est l'histoire de Barry Lyndon. Patrick Brazo. C'est Patrick Brazo. C'est un gars qui se rend au top pour revenir dans le trou, tu sais. Puis dans le film, c'est ça, il part du trou pour revenir au... Il finit au bar de danseuse, tu sais. C'est comme... Mais c'est triste, c'est très triste, mais en même temps, c'est... Écoute, c'est lui qui a été utilisé, Patrick Brazo, parce que quoi? C'était un métis, un Frenchie, un francophone, un conservateur, esti. Qui faisait du kickboxing. Enlève-y une jambe, le gars. Il est tatoué tribal, esti. Je veux dire, tu comprends? Oui. Esti, il est parfait. Je comprends. Ben lui a beaucoup été utilisé. Le jour, la seconde qu'il a perdu, là, je vous le dis, là, dans le film, là, on l'a pas mis, mais il n'y a pas une personne qui est allée le voir en coulisses et dire « Hey, Patrick, bravo pour la cause, pour le cancer. » Merci pour le cancer. J'ai pas créé 600 piastres, bravo. Ouais. Il a été, pauvre gars, il a été abandonné. Il était prétentieux au début. Là. Mais c'est écoute, tu sais. Julien, voyons, c'est lui, Julien, c'est toi, Éric. Éric, j'aimerais ça que tu signes notre livre ici. Julien, peux-tu me parler de votre compagnie? Vous avez une compagnie, vous suivez les idées d'Éric pour aller trouver comme des sujets de documentaires ou comment vous trouvez vos sujets de documentaires comme ça? Ben, Éric et Guylaine Marois qui travaillent tous deux comme producteurs à trouver ces idées-là. OK. C'est plus ça. Moi, j'ai... Parfait. Je pense qu'on va vous revoir en tant qu'invité à un moment donné à 70%. Ce qui est très drôle avec le livre Terrain d'entente, c'est que Justin a lancé son livre quasiment en même temps que notre docu. Mais comme quel bad luck, on avait comme absolument pas vu ça sous le radar. Puis que les deux ont été lancés comme... Ah ouais, parce qu'il aurait pu vous en parler pendant le tournage, finalement, il vous en a pas parlé. Ce qui arrive, c'est que le film a eu vraiment un bon coverage dans les médias nationaux. Ça a eu quand même un certain éclat. OK. Mais c'est drôle parce que, tu sais, il y avait deux gros sujets, deux grosses sorties sur Justin Trudeau. Puis là, ben, on a pris, en fait, une partie du coverage de Justin à cause de notre film. À cause de notre documentaire qui montrait... Oui, je comprends. T'sais, ça, c'est une autobiographie. Justin, nous autres, c'est un documentaire qu'on recherche. Il a mangé sur d'autres, il a débordé sur vous autres. Ou nous autres, on a mangé Moi, un de mes plans préférés du film, c'est au début, quand il dit « Moi, je suis plus spontané la première fois », puis tout, puis il demande au monde d'arrêter de rire, dans le fond. Je trouve ça fabuleux. Ça amène le stage vraiment parfait. Donc, d'habitude, on fait un encan pour financer nos activités, et on commence ça avec de l'argent. Ça a été signé par Éric Ruel et Julien Joubert, mesdames, messieurs. Je vais avoir de l'argent. Qui me donne de l'argent? J'ai 2 $ là-bas. 2 $. 5 $. Hein? C'est un film par et sûrement à propos de Julien. Voyons, Justin, 7, on est rendu à 7. OK, 7 $ une fois, 7 $ deux fois, 8 $ une fois, 8 $ deux fois. Écoute, check. Ça peut, ça, 10 $ une fois, tu vas impressionner la belle famille. 10 $ deux fois. Comment? 10 $ trois fois vendu! Merci! Oh yeah! À partir de maintenant, Monsieur Eric, hey, ce fut un plaisir. Merci de votre film. C'est, on va le partager avec des... J'espère que vous ne nous en voudrez pas de lancer des projectiles dans votre création. Eh bien, salut tout le monde. Fait qu'écoutez, ben, amusez-vous bien. Je pense que c'est un film... C'est bon? C'est correct? Oui, oui. En fait, je faisais des signes à mon Mathieu d'amour pour qu'il commence à aller baisser l'écran. Tu peux passer en avant puis avoir le mot de la fin. Fais juste avancer d'un pas. Et voilà, on va baisser l'écran. Puis là, parle au micro si tu veux. C'est bon, c'est fait. OK, il a dit que c'était fait. On écoute God Save Justin Trudeau. La la la la la la la. On est le web, on est l'internet, on est des blancs qui veulent faire pitié pour avoir des clics. Chacun ses combats dans la vie. Bonsoir mesdames, messieurs, mon nom est Tommy Godette, je serai votre animateur pour la soirée. On m'a fait signe que tout enregistré, que tout était bien. J'ai tué un pouce en l'air pour poursuivre. Merci beaucoup, messieurs. Comme d'habitude, c'est de bon ton, en commençant l'aventure, de remercier à la console Stéphane Mallette et Olivier Godette qui ont fait un travail d'orfèvre quand même, de qualité supérieure. Oui, merci à eux. Bienvenue à cette... À cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. On est très content de vous avoir avec nous. C'est un 27 mars qui est non seulement un lundi, mais ça aussi termine ma fête tranquillement, qui est une activité. En fait, j'ai appris que le 23 mars, c'était aussi une journée fériée en Russie. Et donc, il n'y a pas beaucoup en Russie des journées fériées. Et donc, il pense à moi en Russie. J'ai été très honoré. Sinon, ben, j'ai reçu des très beaux cadeaux et choses weird de la vie. J'ai demandé vendredi passé, jeudi, j'ai demandé sur Facebook si quelqu'un avait la toune « Il y a une mouche dans mon macaroni des maillots bleus ». Et pas de joke, ça fait 20 ans que je la cherche et je vais l'avoir. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il était pour me l'envoyer. Et non seulement ça, mais j'ai aussi... terminer ma quête d'Arthur l'aventurier parce qu'il me manquait deux cassettes d'Arthur l'aventurier et il y a des gens qui me les ont trouvées. Je vais donc avoir Arthur le coureur des bois quand il avait encore sa perruque et qu'il ne faisait que courir les bois. Il arrivait au marais ou au désert puis il virait de bord. Donc Arthur, j'ai vraiment hâte de te redécouvrir. J'ai d'ailleurs eu aussi sa cassette au Costa Rica avec Funky Monkey et minuscule grenou. C'est vraiment, vraiment de la qualité. Arthur qui nous resserre. Ça a été une très belle fête pour ma part. Ici, je porte la cravate qui m'a été donnée par ma maman la semaine passée. Et ce qui nous amène vers un dernier lundi de cet anniversaire. Ça va en avoir fait 4, mais ça ne veut pas dire qu'on finit le mois de mars, qu'il faut arrêter de faire attention dans les escaliers. Hein, ça va dégeler, ça va être dangereux dans les escaliers. Tous les escaliers sont dangereux. Donc, s'il vous plaît, une dernière fois, faire attention dans les escaliers. Ça marche, oui, voilà. Et donc, pour cette soirée qui va se terminer avec le film God Save Justin Trudeau, c'est un documentaire en français. Pour la première fois, je pense, depuis... Mais c'est vrai que Simon Boisvert était venu avant la rétrospective de ses films, mais on va avoir les réalisateurs de l'œuvre qu'on va diffuser sur place. Et je pense que ça va les faire rire pas mal qu'on lance des affaires dans leurs films. Sinon, juste avant le long-métrage, on va sûrement se parler un petit peu, moi, avec Éric Ruel et Mme Guylaine, j'ai oublié le nom de famille. On va voir qui va être dans la place. On va parler avec les créateurs du film. Juste avant ça, on a deux VJ. Un qui est impliqué politiquement, c'est-à-dire Jules Falardeau, et l'autre qui est plus impliqué félinement, genre avec des chatons, genre, ou gifman. Je sais pas comment dire. Florence, en tout cas, qui est là, qui va nous faire un autre beau set de VJ. Et juste avant ça, on va avoir une performance live de notre invité à 70%, Dirty Habits. Mais pour commencer la soirée, On ressort ici des boules à mythes, un Bergeron, alias Sam. Voilà, on peut applaudir Sam Bergeron, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci tout le monde, merci, bonsoir. Je vous avouerai que je suis officiellement pas fan du printemps. Yay! Ouais, c'est ça. C'était-tu un woo pour woo le printemps ou woo pour woo fuck le printemps? Nice! On est tous dans la même équipe. Cool, cool, cool. J'ai commencé à changer un peu ma garde-robe. Commencé à porter un petit peu plus de coton ouaté. Comme ce chandail-là en ce moment, que j'ai acheté dans un magasin où il restait plus de ceinture. C'est comme ça que je suis influençable, moi. Si je rentre dans une place pour m'acheter quelque chose, il n'y a pas quelque chose, ben j'achète quelque chose d'autre. Simple comme ça. Ce qui est cool avec ce chandail-là, c'est que il est comme écrit Adidas dessus. Fait que ça me donne l'impression que je joue au soccer. C'est vraiment nice. Puis aussi, il y a comme un motif. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a un motif carotté dans le chandail. Fait que ça fait comme punk. Fait que j'ai l'air de dire comme, ouais, on va tout décrisser la société. On va renverser l'ordre établi. Mais sans les mains. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment fucked up. Sinon, en ce moment, ces temps-ci, je me cherche une partenaire de Netflix and Chill. S'il y a des intéressés. Ok, juste des désintéressés. Ok, cool. Cool. Non, mais c'est pas un piège, hein. C'est pas un piège, guys. Souvent, c'est un piège, hein. Tu sais, un gars invite une fille à regarder un film chez lui et que c'est un piège. Au bout de 20 minutes, tu vas te ramasser à fourrer sur du Batman. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi Netflix and Chill? C'est le descendant du Hey, ça te tente qu'on aille au ciné-parc? Calissement la même affaire, là. Non, c'est ça. Moi, je suis différent. Moi, je suis pas comme les autres gars, filles. Moi, je finis le film. C'est vrai. Moi, je veux dire, on fera l'amour après, si tu veux, bien sûr. Mais je veux savoir, first, qu'est-ce qui arrive à César dans la planète des singes. C'est vrai. En plus, il y en a deux. Il y en a deux planètes des singes, des nouveaux, en tout cas. On va finir les deux. Après, ça me dérange pas, on ira dans ma chambre, on baisera comme des bonobos, si ça te tente. Pour ceux qui savent pas c'est quoi des bonobos, c'est des singes que quand il y a une tension dans le groupe entre deux individus, ils font l'amour. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est fucked up, genre que ce soit homme-homme, ben mâle-mâle, femelle-femelle, mâle-femelle, jeune-vieux, vieux-vieux, jeune-jeune, ils vont faire l'amour. Ce serait le fun qu'on soit des bonobos. Il y a une tension, tu fais comme... C'est qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'aurais du cul, c'est ça. Yeah! Une bière! Non, c'est ça, je m'attache, moi, aux personnages principaux d'un film. Puis je veux savoir ce qui arrive à la fin. T'sais, j'ai déjà regardé un film porno au complet. C'est vrai? Juste pour savoir si le plombier allait dire oui à l'entente de paiement. Spoiler alert, oui. Non, c'est vrai, tu sais, je m'investis, moi, dans les films, pour vrai. J'ai plus que dans ma propre vie affective, c'est bizarre. Genre, j'ai pas pleuré quand ma mère m'a annoncé qu'elle avait le cancer. J'ai pas pleuré quand Piqué Souban est revenu jouer à Montréal. J'ai pas pleuré dans Inside Out quand l'ami imaginaire meurt. Ok, non, c'est pas vrai, j'ai pleuré. Qui risque que j'ai pleuré? Ouais, non, c'est parce qu'il faut être humain quelque part. Hein. Non, c'est ça, je trouve ça important. Tu sais, quand je dis Netflix and chill, c'est pour que la fille sache que, oui, il y a la portion Netflix, il y a la portion chill aussi. Tu sais, le sexe, c'est quand même important. Mais je veux que tu sois prévenu à l'avance, comme ça, si t'es là avec moi, c'est que ça te tente, tu sais. Tu t'endormiras pas en plein milieu du film. Parce que tu manques le film quand tu fais ça, tabarnak. Moi, c'est... C'est vrai, t'sais, souvent les gars, ça nous dérange là, quand la fille s'endort parce qu'elle voudra pas fourrer après. Non, moi, c'est parce que tu manques le film. Puis je suis pas un super bon raconteur. Fait que j'ai pas envie de vivre ça. Si tu viens voir le film avec moi, reste réveillé jusqu'à la fin, s'il te plaît. Donc c'est important le consentement. C'est important le consentement. Je sais pas si Moi, tout ça pour ça. Je sais pas s'il y a par applaudissement des fans de consentement dans la salle. Excellent. Non, mais ça vaut la peine de le demander quand même. Hein, parce que j'ai déjà demandé cette question-là à une salle un peu comme la vôtre. Puis les applaudissements étaient moyens. je sais pas si je peux blâmer ça sur la fatigue ou juste que le show était de la merde. Peut-être que j'étais mauvais aussi, ça se peut. Ça se peut. Là, le monde soudainement se réveillait, tu sais. Mais j'avais quand même l'impression d'être dans une convention de violeurs anonymes. Tu sais, c'était assez moyen. Non, c'est ça. Pour moi, c'est important que tu saches dans quoi tu t'embarques. Moi, je préviens tout le temps. Je suis pas un très bon chasseur. Je suis pas un très bon chasseur parce que je me promène généralement dans la forêt en criant « On est ici pour vous tuer! » Ça met mon père en tabarnak. Il me dit que ça tue le sport, mais... Tu sais, à la base, papa, ce qui tue le sport dans la chasse, c'est le fait qu'on a des guns. C'est vrai, la chasse, c'est le seul sport que si tu gagnes, tu manges l'autre équipe. Puis une chance que c'est le seul sport. Parce que qui laisserait jouer son enfant au hockey? C'est vrai, hein, tu sais, comme, quel scénario que ça donnerait, tu penses, comme... Oh non! Félix s'est fait manger par un bantam! Oh non, pauvre Félix, il voulait tellement rentrer en maternelle! Ah oh ben oui, je vais être au Michoui pareil! Je vais emmener des restants des aigles de Cartierville! C'est comme... Donc ça nous donnerait un autre genre de Hunger Games. Mais sinon, j'ai réalisé... C'est moi ou le Bloody Caesar? C'est comme le drink le plus gay au monde. C'est vrai, puis c'est pas homophobe ce que je vais dire, là, genre... C'est que c'est fif, il y a du céleri. Ben c'est vrai, là, mais c'est pas fif pour autant, là. C'est, mais objectivement, un Bloody Caesar, c'est gay. Tu sais qu'un cocktail est gay quand, à la base, ça s'appelle un cocktail. Là. C'est vrai, puis j'invente rien, là. Cocktail, il y a deux queues dedans. Tu sais qu'un drink est gay quand tu le commandes pour licher le rim, là. Je peux-tu en prendre un avec ma consommation gratuite? Je vais en prendre deux pour être tantôt. Non, mais pour vrai, j'ai réalisé que je donnerai probablement jamais de sang dans ma vie. Puis en passant, je suis pas gay. Je veux me seul le préciser. Je suis pas gay. J'ai deux bonnes raisons, par contre, de ne pas donner du sang. Premièrement, je suis hémophobe. Donc, j'ai peur de voir du sang. Qui est à ne pas confondre avec homophobe. On va se le dire. C'est vrai, moi, j'ai aucun problème de voir deux hommes s'embrasser. Que ce soit dans la rue ou dans mon lit. Aucun problème. Par contre, s'ils se mettent à saigner, là, c'est ce qui me font peur. C'est ça, la nuance. Puis aussi, je suis AB positif. Je suis AB positif, donc je suis receveur universel, mais je peux juste donner à 3% de la planète. Fait que je donne du sang ou pas, c'est vraiment pas utile. Si vous trouvez ça égoïste, ben c'est dans mon sang, désolé. T'sais. Non, c'est vrai, je suis... Asti que j'haïs mes voisins. Asti que j'haïs mes voisins, j'ai haï tellement que je regarde les messages que j'envoie à mes amis, comme quoi j'haïs mes voisins, je pense que je perdrais le procès. Il y a assez de preuves pour que ce soit moi. Si jamais il y a un feu de bâtisse, c'est sûr que c'est moi qu'on accuse. Ça va sûrement être moi aussi qui va l'avoir fait, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais non, j'irai probablement en prison. Puis ça me ferait chier, parce que j'ai décidé récemment que je ne ferai jamais de prison de ma vie. Je suis vraiment pas fait pour aller en prison. Je sais de quoi j'ai l'air. Je sais pas, pour vous donner une image, j'adore la pâte d'amande, OK? Si je vois de la pâte d'amande, je salive. Je veux de la pâte d'amande, je veux en manger, je vais en mettre dans ma bouche. Moindrement que j'en vois, j'en veux. Dans ma tête, si je rentre en prison, les autres prisonniers vont me regarder, vont se dire « Check la belle pâte d'amande. » L'affaire là-dedans, c'est que c'est pas eux autres qui vont vouloir m'avoir dans leur bouche, ça va être le contraire. Je vais vous laisser là-dessus. Bonne soirée.